Alors c'est ça la recette. Une heure d'éclectisme saturé. Une bonne dose de découverte. Saupoudré de nouveautés. Et le tout accompagné d'un album à l'honneur. Et surtout, le son des auditeurs. Mais c'est là. Le groupe à l'honneur ce soir, Extremities, avec leur premier album. Et oui, hein, le tout premier. Franchement, on n'a pas trop l'impression à entendre comme ça. L'album s'appelle Gaia. Il est donc à l'honneur ce soir. Groupe qui nous vient des Pays-Bas et qui vient d'ouvrir cette édition, cette nouvelle édition du PMR avec War. Voilà, tout ça, on y reviendra tout à l'heure, un petit peu plus tard dans l'émission. Comme je vous disais, c'est l'album à l'honneur. Un album que j'ai reçu par le biais du label partenaire de l'émission, d'un des labels partenaires, Paint Bass Records. Donc voilà, je tiens à leur faire un petit clin d'œil parce que franchement cet album est quand même fort bon. Et tout ça, on y reviendra tout à l'heure dans la suite des programmes. Allez, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Will, bienvenue dans cette nouvelle édition du PMR. Une édition quand même un petit peu éclectique ce soir, on va se faire des nouveautés, pas mal de nouveautés, dont cet album sorti tout fraîchement, voilà, sorti en 2018. Donc ça nous fait plaisir et là on va partir sur autre chose, une petite exclusivité de l'émission. Le groupe c'est Dusk of Delusion. L'album sortira très prochainement. Ça s'appelle Funfair et je vous propose de les découvrir tout de suite avec la piste Sharpest Chords. Voilà, on y reviendra, on les retrouvera dans une autre émission un petit peu plus tard. Quand l'album sera sorti, on les retrouvera à l'honneur. Ce groupe-là, cette fois-ci, est français. Mais en attendant, Dusk of Delusion, je vous propose de les découvrir sans plus tarder. On se fait plaisir, montez le son, vous êtes bien à l'écoute du PMR. C'est Will avec vous ce soir pour encore une heure de bon son métal. We'll be right back. Sharpest Cards du groupe Dusk of Delusion, tiré de leur album, et oui, album à paraître, Funfair pour vous, en exclusivité, donc dans ce PMR ce soir. C'est, j'ai reçu du coup l'album là tout récemment, je l'ai écouté, franchement ça déchire très très bien pour un album du label Fantasique qui nous a tiré également, comme vous le savez, des groupes comme Elvaron ou bien Acroma. Et on y retrouve bien entendu un petit peu quelques-uns des membres des groupes à l'intérieur. Et franchement, bah ça s'est vraiment envoyé du très très gros pâté. Bon allez, j'espère que tout ça jusque-là, ça vous a quand même bien plu. J'ai placé la barre assez haute en ce début d'émission avec deux albums, un à paraître et un qui vient juste de paraître en cette année 2018. On va revenir un petit peu 2017-2018, alterner un petit peu avec les trois prochaines pistes. Ah oui, seulement trois pistes avant d'attaquer l'album à l'honneur ce soir. Je vous propose de revenir sur un côté un peu plus rock. Franchement, voilà, je vous ai pas encore chroniqué l'album, mais rassurez-vous que ça ne saurait tarder. Je les avais déjà passés, c'est le groupe Angerer, c'est un groupe de rock quand même français, l'album Comeback, franchement c'est du bon, c'est du lourd. On va se les écouter tout de suite avec Rejected Man, et on va enchaîner ensuite avec un petit featuring Kraken à l'instru et Morchaine 43 au chant et au texte, une nouvelle piste de Morchaine, 10 ans plus tard, tout va mieux, une piste quand même assez poignante, un texte vraiment qui vient de ses tripes les plus profondes, donc j'espère que tout ça vous allez apprécier. On va partir sur ces deux pistes assez rock tout de suite, mais juste avant je tiens à vous le rappeler, hein, l'émission ça va durer encore 45 minutes et n'hésitez surtout pas pendant tout ce temps si vous voulez venir lâcher vos dédicaces ou me conseiller un morceau ou autre, hein, que ce soit pour cette émission ou pour une prochaine, n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir par le biais de la page Facebook Punk Metal Rock ou par le site www.punkmetalrock.com. Mais en attendant, comme je vous disais, ben, Hangover avec Rejected Man, c'est pour vous tout de suite dans ce PMR. We'll be right back. 10 ans plus tard, tout va mieux. Je suis enfin un homme heureux. Le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. Le réveil est bizarre, les yeux rivés au plafond de la part, dans une chambre stérilisée et complètement momifiée. Le docteur me dit gêné, monsieur, on sait pas si vous remarcherez. Moi, le marcheur forcené, dans ma tête, ça a quitté. Dix ans plus tard, tout va mieux. Je suis enfin un homme heureux. Le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. On passait enfin le jour des grèves cutanées devant des élèves du monde entier, 30% brûlés entre le 3ème et le 5ème degré, 2 fois 8 heures anesthésiés. 1000 fois j'ai voulu tout lâcher, jouer dans mon lit en rupané, à réconcilier corps et âme, tous deux entièrement traumatisés. 10 ans plus tard, tout va mieux, je suis enfin un homme heureux. Le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. De longs mois sans fumer, merci le papier, les stylos et les chaînes câblées. Coincé dans mon lit, je m'évadais, acceptant que plus jamais je ne ressemblerai. Merci madame l'infirmière, toi qui fumais sur le balconnet, en face de ma chambre vitrée, et pour une clope, je me suis relevé. 10 ans plus tard, tout va mieux, je suis enfin un homme heureux, le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. Vint le temps de la rééducation et des nouveaux compagnons. L'un d'eux, le plus abîmé, pour m'aider, m'a donné les clés. Toujours positiver et faire ce qui nous plaît. Profiter de chaque instant et au présent. D'être avec ceux que l'on aime, j'ai bien compris à présent. 10 ans plus tard, tout va mieux. Je suis enfin un homme heureux. Le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. Ça fait souvent mal et ça gratte, mais je suis vivant et plus fort. Moi qui ai choisi une femme violente, j'aime la vie et la déborderai encore. Déjà 4 ans que je suis avec une femme merveilleuse, et avec moi elle est heureuse, j'en suis ravi et la vie nous sourit. 10 ans plus tard tout va mieux, je suis enfin un homme heureux. Le passé est encore souvent douloureux, dévoré par le feu. 10 ans plus tard, tout va mieux. De Morchen 43 en featuring sur l'instru, avec Kraken. Et c'était précédé du groupe Angerer, groupe de rock français, avec leur album Comeback et la piste Rejected Man. Tout ça, on y reviendra, notamment Angerer avec la chronique de l'album prochainement, dans une prochaine édition, voilà, du PMR. Donc n'hésitez pas à y rester. À l'écoute. Voilà, on a changé quand même un petit peu de style et maintenant on va revenir sur un truc, on va dire un poil plus bourrin, entre grosses guillemets, et c'est tiré du label Arising Empire. Je vous propose d'aller écouter tout de suite et peut-être même découvrir le groupe Beton Todd avec la piste Kind of Pop Song que je vous propose donc dans ce PMR ce soir. En attendant, je vous le rappelle, vous le savez bien entendu, vous pouvez venir lâcher vos dédicaces, alors allez-y, faites-vous plaisir, www.punkmetalrock.com. Überlebt, das, was wirklich zählt, wenn das, was interessiert, und wenn ich ganz kurz überleg, was könnten wir erreichen? Wir spielen keine Pop-Songs, wir lieben nur die harte Melodie, wir scheißen auf den Mainstream, passt denn nicht in eure Strategie? Béton Tourde avec Kind of Pop Song, c'était une version live comme vous avez pu le remarquer, qui fait quand même grandement plaisir, un morceau assez péchu, bien énergique, bref, tout ce qu'on aime dans l'émission, comme vous le savez, tout ce qu'on aime dans le PMR. Et voilà, comme vous avez pu le constater également, le temps a quand même un petit peu défilé, oui, jusque là, ça fait bientôt une demi-heure qu'on est ensemble déjà, et ça va être l'heure d'attaquer du coup l'album à l'honneur. Pour ceux qui suivent l'émission depuis pas mal de temps, je pense que vous vous en doutez, si ça ne fait qu'une demi-heure d'émission et qu'on l'attaque tout de suite, c'est que l'album est quand même assez long. Et oui, les pistes sont plutôt longues, à part celle que je vous ai passée tout à l'heure de 4 minutes. Je vous cache pas que la suite du programme va osciller dans des pistes de, entre 6 et 8 minutes par piste. Mais franchement, toujours avec du bon travail. Un truc vraiment bien chiadé, comme on aime. Alors déjà, pour vous parler d'Extremities... en très grande vitesse. C'est un groupe qui s'est formé quand même il y a peu de temps, en 2015 exactement. Et c'est un groupe qui, c'est même leur premier album, voilà Gaïa. Ils avaient sorti un EP justement en 2015 qui s'appelait Rakshasa et qui avait été joué entre autres au Dynamo Metal Fest, hein, devant plus de 5000 personnes. Un EP qui avait été d'ailleurs très bien accueilli. Et maintenant... ça y est, ils l'ont sorti, leur premier album. Donc comme vous avez pu entendre tout à l'heure un petit peu avec la piste War, c'est un groupe quand même assez énergique, un petit peu mixé dans les groupes entre guillemets, entre Textures, Gojira, Monument ou bien même Opeth. Donc voilà quand même des styles vraiment assez différents sur pas mal de points et dans lesquels ils arrivent vraiment à combiner toutes leurs envies, tout ce qu'ils aiment pour nous sortir un album vraiment au top. Alors pour un premier album, pour qu'il soit aussi bien, je vous cache pas, il y a aussi un petit truc qui a joué au niveau du groupe et notamment au niveau de la composition. Je vais vous l'avouer derrière, comme ça, derrière le micro en vitesse. Et le groupe a été coaché par quelques membres assez importants, dont notamment des membres des groupes de Texture et Alkaloid, voilà, pour faire deux groupes, mais également deux très gros groupes comme Within Temptation et Epica, entre autres. Donc vraiment, il y a du très haut niveau, du très gros soutien derrière, et ça montre que leur potentiel est vraiment énorme. Extremities, un premier album qui, je pense, va être vraiment un très très gros carton. Gaïa, cet album a tout pour être vraiment un album assez bon. On verra dans quelques temps, à force de l'avoir bien écouté, puis à force d'avoir laissé couler un petit peu l'eau sous les ponts. Là, c'est vraiment assez récent, donc on va prendre tout ça avec des pincettes. À côté, la pochette, je trouve qu'elle est à l'effigie du groupe dans son style graphique. Je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Extremities Gaïa, voilà, je le rappelle, c'est le nom du groupe et de l'album sorti sous le label Paint Bass Records. Franchement, comme je vous disais, au final, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est vraiment un travail très bien chiadé, un travail très pro, dû aussi sûrement quand même à un très bon coaching derrière. Un premier EP qui avait été très bien accueilli, et je pense que cet album va faire encore mieux que le premier EP qui nous avait sorti, Rakshasa. Donc en attendant, je vais vous proposer d'aller vous découvrir tout ça en musique, sans plus tarder. On va se faire comme à l'accoutumée les trois pistes d'ouverture de l'album. Je vous propose donc Colossus, Circular Motions et enfin Emissary, les trois pistes d'ouverture de l'album à l'honneur ce soir, Gaia, du groupe néerlandais Extremities. Voilà, groupe de métal assez divers et varié qui a su mélanger tous ces genres vraiment correctement. Bref, un bon travail de pro, ça fait vraiment plaisir de s'écouter ça. Et n'hésitez surtout pas à me donner vos retours derrière par le biais de la page Facebook de l'émission ou les dédicaces. Je vous le rappelle également, le site www.punkmetalrock.com. N'hésitez pas, lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît jusque-là et surtout si le groupe vous plaît, si je vous ai fait aussi découvrir quelque chose ce soir. Comme vous savez, c'est aussi un petit peu le principe de l'émission. Mais allez, en attendant, trêve de parlotte, je sais que vous attendez la musique, donc on y va, c'est parti, on attaque tout de suite avec Colossus, Extremities, album à l'honneur ce soir pour vous dans ce PMR. Montez le son, c'est parti, let's rock. Traumatic, fully derailed. retour après avoir entendu ces trois pistes, Emissary qui vient de se conclure, précédé de Circular Motions et enfin Colossus, les trois pistes d'ouverture de l'album à l'honneur ce soir. Je le rappelle, l'album Gaia, tout premier album du groupe qui nous vient donc des Pays-Bas, Extremities. Voilà, j'espère que sincèrement que tout ça, en tout cas, vous aura bien plu ce soir dans l'émission et que cet album aura su combler vos oreilles qui, je sais, sont quand même très pointilleuses. Voilà, encore une nouvelle fois, l'édition se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Petit rappel, on a donc écouté Dusk of Delusion avec l'album Apparaître Unfair, enfin Funfair, et la piste Sharpest Cards. Voilà, un groupe apparaître sous le label Fantasic Records. Ensuite, on s'est fait un petit tour un peu plus rock avec le groupe français Hungover et l'album Comeback, la piste Rejected Man, suivi de Morchain 43 avec 10 ans plus tard, Tout va mieux, une nouveauté. Et ensuite, un petit live avec Beton Todd et Kine Pop Song, tiré pour ma part du label Arising Empire, que j'espère aussi vous avoir fait découvrir ce soir, voilà, comme un petit peu tous les groupes dans l'émission. Voilà, une nouvelle émission qui s'achève. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pour moi, c'était encore un immense plaisir de l'animer à vos côtés. Je vous le rappelle, podcast playlist disponible sur le site du PMR, www.punkmetalrock.com. Idem, voilà, pour m'envoyer un message, me lâcher une dédicace ou autre. Et sachez-le toujours que vos musiques, vos albums sont les bienvenus, bien entendu, pour être diffusés, voire même chroniqués, comme vous le savez. Allez, en attendant, on va donc se quitter avec l'avant-dernière piste de l'album et non pas la dernière. Tout simplement, question de timing. Je ne vous cache pas, si je ne m'abuse, la dernière piste dure 17 minutes. Donc j'ai préféré éviter, je vous en ai pris une un petit peu plus courte, la précédente. J'embrouille un petit peu ma langue ce soir. Fuck the Dreamscape. Ouais, franchement, je ne vais pas y arriver, je crois que c'est la fatigue qui commence à me tenir. En attendant, bon, vraiment, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'espère sincèrement que tout ça vous a plu. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition de votre émission préférée. En attendant, portez-vous bien. See you soon. Stay tuned and stay metal. Light, break the day, weaving in and out. Intricate, delicate, webs filled with fragile threads.